C'est un symptôme auditif dont on souffre souvent en silence alors qu'il annule même l'idée de silence. Les acouphènes, ces sifflements, bourdonnements, grésillements, polluent la vie des personnes qui en souffrent et qui se résignent souvent à vivre avec, faute de mieux. Pourtant, si les acouphènes mettent au défi la recherche fondamentale ou la recherche de traitement, il est important de rappeler que différentes stratégies de prise en charge existent pour améliorer la vie des personnes qui en souffrent et les aider à retrouver le son du silence. Sifflera-t-on un jour la fin des acouphènes? C'est la question auditive que nous allons traiter dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour sortir les acouphènes du silence, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Luc Puel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de neurosciences à l'Institut de neurosciences de Montpellier, directeur de l'équipe audition de l'INSERM et président de l'association Journée nationale de l'audition. Nous sommes également en compagnie de Paul Avant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en biophysique de l'audition à la faculté de médecine de Clermont-Auvergne et vous êtes le responsable d'audiologie humaine à l'Institut de l'audition. Mais avant d'entamer cette émission, il est l'heure de retrouver comme chaque jour celle qui est à l'écoute des actualités scientifiques. Il s'agit bien sûr de Natacha Triou pour le Journal des sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence avec le sujet de ce journal. Depuis jeudi, un mouvement de grève a lieu au CNES, le Centre National d'Études Spatiales. Oui, jeudi dernier, les salariés du CNES, ingénieurs, sous-directeurs et une partie de la hiérarchie, ont manifesté à Toulouse et à Kourou, en Guyane française. Ils étaient plus de 600, ce qui représente un tiers des effectifs du site. Alors, les salariés contestent le projet COP, qui vient d'être signé par la direction et qui s'inscrit dans le plan France 2030 d'Emmanuel Macron. Il s'agit d'une feuille de route que le CNES doit tenir pour ses 5 prochaines années et qui est rédigée par les tutelles, par les différents ministères qui chapeautent le CNES, l'économie, la défense, le MESRI. Alors dans ce COP, ce qui change par rapport aux années précédentes, c'est la mise en avant du phénomène du New Space, où l'on voit émerger de nouveaux acteurs du privé. Ce COP prévoit notamment une enveloppe de 1,5 milliard d'euros pour soutenir ce secteur. Damien Desroches est ingénieur au CNES et élu CGT. Il y a un premier volet qui s'appelle la subsidiarité, dont parle la direction du CNES, qui s'appelait parfois le dézooming auparavant, qui consiste à dire qu'il va falloir que le CNES se décharge d'une partie de ses activités et fasse beaucoup moins de choses en interne, beaucoup moins de choses techniques dans les différents projets. Ça, c'est quelque chose qui existait déjà avant, mais qui s'accentue et qui suscite des réactions, et qui à terme est un danger pour le CNES, parce que la perte de compétences techniques qui va s'accompagner de cette diminution des activités techniques va avoir des conséquences fortes sur la capacité du CNES à engager des missions, à être un interlocuteur intéressant pour les différentes agences spatiales ou même pour l'industrie. Si on laisse l'industrie choisir elle-même les domaines dans lesquels elle va intervenir, elle va innover, là aussi l'industrie elle a un objectif de rentabilité à plus court terme, donc elle va pas naturellement aller vers des solutions nouvelles, des solutions innovantes. Donc à terme, on considère que c'est un risque pour tout l'écosystème du spatial, ce genre de discours. Et l'autre partie, qui est le volet plus spécifique des start-up, il faut savoir que c'est quelque chose que le CNES a toujours fait, soutenir des start-up. Sauf que là, ce qu'on voit arriver, c'est tout un tas d'entrepreneurs qui veulent entrer dans le domaine du spatial sans forcément avoir de compétences techniques, sans forcément... Alors, il y en a, il va y avoir des projets corrects qui vont émerger, mais là, on nous parle d'objectifs chiffrés de nombre de start-up à financer. On va devoir financer 40 start-up par an, indépendamment du fait que les projets sont réalistes, que les projets vont fonctionner, tout ça avec de l'argent public, et en mettant le tampon technique du CNES pour dire « on valide cette chose-là ». Alors qu'on a les collègues qui évaluent ce genre de projet, qui voient passer des choses qui sont extrêmement douteuses et où on est à la limite de la coquille vide, une entreprise qui est tout juste créée par une poignée de personnes sans aucune réalité derrière. Donc ça, c'est quelque chose que les salariés du CNES peuvent pas accepter. Il y a une forme de transfert d'argent qui menace le CNES, parce qu'effectivement, l'argent, il n'y en a pas des montants illimités. C'est énorme, 1,5 milliard, comparé au budget du CNES, c'est un montant très très important. In fine, le mécanisme va conduire à réduire la part des activités qui sont faites au CNES, la part du contrôle du CNES, et à transférer directement cet argent vers l'industrie. Si cet argent est transféré sans contrôle, ça va vouloir dire une perte de compétences. C'est que du fonds public. Donc s'il n'y a pas une direction qui est donnée par un organisme public, on on pense qu'à terme, c'est délétère pour l'ensemble du spatial. Et la direction du CNES ne souhaite pas s'exprimer pour le moment, mais nous suivrons évidemment la suite de cette mobilisation dans l'émission et dans le journal des sciences. Et comme chaque jour, évidemment, vous pouvez retrouver cette actualité sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au bref. Selon une étude parue dans la revue The Lancet Biomedicine, une intelligence artificielle peut déterminer avec précision les risques de récidive de cancer. Une équipe britannique a mené une étude rétrospective sur les rechutes de cancer du poumon, le cancer le plus meurtrier et qui, dans 36% des cas, conduit à des récidives. Les chercheurs ont entraîné une IA d'apprentissage automatique avec les données de plus de 650 patients atteints de cancer. À partir du sexe du patient, de son IMC, de son tabagisme, de la radiothérapie suivie et des caractéristiques de la tumeur, l'IA a été capable de prédire avec précision les risques de rechute, s'ils sont faibles ou élevés, et au bout de combien de temps. Selon les auteurs, cette méthode de prédiction, plus efficace que les méthodes traditionnelles, permettrait une prise en charge plus rapide des patients. En bref, toujours, le LHC, le grand collisionneur de Hadron du CERN, va bientôt reprendre du service. Et le LHC, c'est le plus grand et le plus puissant accélérateur de particules au monde, enfoui à 100 mètres de profondeur, près de Genève. Après une pause de 3 ans pour des travaux de maintenance et pour augmenter sa puissance, le collisionneur est prêt à reprendre ses expériences. Le CERN a annoncé que 2 faisceaux de protons ont circulé en sens opposé le long de l'anneau de 27 km. Quelques tests sont encore prévus, mais des collisions d'une énergie record de 13,6 milliers de milliards d'électronvolts devraient avoir lieu d'ici juin-juillet. Par ailleurs, le LHC fêtera ses 10 ans le 4 juillet prochain. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Science Advances, les emblématiques dingos d'Australie ne descendent pas du chien. Une équipe internationale vient de comprendre la place du dingo dans l'arbre généalogique évolutif des chiens. On pensait que ce canidé, arrivé en Australie il y a 5000 et 8500 ans, descendait d'une ancienne race de chiens domestiques. Les chercheurs ont séquencé le génome d'un jeune dingo du désert et l'ont comparé au génome de 5 espèces de chiens modernes. Alors, contrairement aux chiens domestiques, le dingo ne possède pas plusieurs copies du gène amide B qui permettent aux chiens de digérer l'amidon et les féculents de notre alimentation humaine. Selon les auteurs, le dingo serait donc un intermédiaire génétique entre les loups sauvages et les chiens domestiques. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prprochain journal des sciences. 10 à 15% de la population adulte en France souffrirait d'acouphènes. Chez 1% de ces personnes, ces sons parasites ponctuels ou continus peuvent devenir insupportables au point d'avoir un impact majeur sur leur qualité de vie. S'il n'existe pas de parade idéale aujourd'hui à ces perturbations auditives, il est important de rappeler ce que l'on en connaît pour mieux les prévenir dans un premier temps, mais aussi pour intensifier les recherches qui leur sont consacrées. Nous serons accompagnés aujourd'hui de Paul Avant et de Jean-Luc Puel pour décortiquer ces failles auditives. Mais avant cela, je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Le Corps entendu sur France Culture. On y entend l'ORL Bruno Frachet, c'était en 1998. Je crois qu'on peut dire que l'acouphène, c'est la perception d'un bruit alors qu'il n'y a pas de stimulation sonore à l'extérieur. J'entends quelque chose alors que je suis dans le silence. Alors qu'il n'y a rien qui fait une stimulation sonore. Donc c'est un bruit véritablement créé par l'oreille, par l'organisme, par le cerveau, on y reviendra sans doute. Et donc c'est en ça que ça peut être dérangeant, c'est-à-dire le caractère étranger de ce bruit sans réalité. Alors ce qui est étonnant, c'est que le bruit finalement change. Aux États-Unis, on voit dans la littérature qu'on entend plutôt des bruits de sonnettes. Et puis alors en France, on voit qu'on entend plutôt des bruits de sifflements. Alors on a envie de dire, vous venez de nous dire le cerveau, alors on a envie de vous dire quoi? C'est donc un trouble psychique? C'est clair que l'acouphène, c'est culturel dans sa définition, mais c'est aussi culturel par exemple chez les Indiens, où on dit que l'acouphène, c'est parce que Dieu vous parle. Donc clairement, la perception ou le retentissement psychologique de l'acouphène est variable. Plusieurs choses, Jean-Luc Puel, dans cette archive de 1998, notamment la définition un petit peu délicate de ce qu'est un acouphène. Alors, est-ce qu'on peut établir aujourd'hui, en 2022, soit 24 ans après cette archive-là, plus de 24 ans après cette archive-là, une définition un peu qui fasse consensus? Alors, je crois que la définition de Bruno Frachet est la bonne. Hein. Un acouphène, c'est vraiment culturel. La preuve, dans le Midi, les gens décrivent beaucoup des bruits de cigales, alors qu'au nord de la Loire, ils décrivent plutôt des grillons. pour décrire finalement une réalité qui est subjective, qui est un son qui finalement n'a pas trop de sens. Alors on essaie de pour le décrire, de trouver une image. Certains parleront de grésillement d'île, de lignes électriques, de moustiques, etc. C'est ça, Paul. Avant, ce qui est aussi compliqué avec les acouphènes, c'est qu'on parle de différentes natures de sons parasites. Il n'y a pas qu'un seul type d'acouphène. Il y en a tout un tas de décrits par les patients qui en souffrent. Bah, le vocabulaire des patients est très poétique et donc c'est leur vécu, c'est leur ressenti. La réalité est impossible à mesurer, donc c'est vraiment basé sur des descriptions. Je crois que la caractéristique qui entraîne un signal d'alarme et même une gêne, c'est le côté persistant, jour et nuit. À l'inverse, de très nombreux acouphènes sont intermittents, voire très transitoires, et ceux-là, qui ont pourtant à peu près la même signification, en restant très schématique, n'attirent pas du tout l'attention. Et alors qu'on souhaiterait qu'elle l'attire. Donc c'est assez paradoxal. J'ai lu en préparant cette émission qu'il y avait un parallèle qui était établi, Jean-Luc Puel, entre l'acouphène et la douleur. L'acouphène est un symptôme. Alors ça aussi, c'est ce qui rend sa compréhension un petit peu délicate. Oui, l'acouphène est un symptôme, un peu comme la douleur, et c'est d'ailleurs le problème. Donc cet acouphène est le symptôme de quoi? Alors ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être des problèmes métaboliques d'ordre général, de l'hypertension artérielle, par exemple. Ça peut être aussi des problèmes de mâchoire, de etc. Mais dans, je dirais, 95% des cas, c'est des problèmes de système auditif. Et quand je dis de système auditif, c'est le système auditif dans son entier, c'est-à-dire de l'oreille jusqu'au cerveau. Puisque pour percevoir un acouphène, il faut avoir un cerveau. Et puis, il est généralement le témoin d'une lésion en périphérie. Et ce cerveau va moduler ces lésions. Et on détaillera bien sûr toutes les multiples causes qui peuvent provoquer des acouphènes. Avant cela, Paul Avant, j'évoquais en introduction de cette émission une prévalence en France de 10 à 15% de la population adulte qui souffrirait d'acouphènes. Est-ce que ce chiffre est une bonne évaluation, une bonne estimation, ou est-ce qu'on est loin du compte? Non, souffrir d'acouphènes, je crois que c'est tout à fait convergent. Tout le monde s'accorde sur cette proportion, qui est déjà considérable. Maintenant, si on s'amuse à faire un petit sondage dans son environnement, ressentir des acouphènes, c'est quasi l'unanimité. Donc, le moment où on en souffre est souvent trop tard, d'ailleurs, parce que ça veut dire que les lésions dont parlait le professeur Puel ont déjà eu lieu. Mais on est dans cette situation. Donc une grande banalité, je crois qu'il faut le retenir. Et Jean-Luc Puel, il y a à nouveau ce parallèle qu'on peut établir avec la douleur, c'est qu'il y a peut-être un côté sous-déclaré des acouphènes. Les gens ne se manifestent pas forcément auprès de médecins pour dire qu'ils souffrent d'acouphènes. Oui, juste pour revenir sur ce qu'on disait, les acouphènes sont somme toute assez banales quand on interroge les gens. Mais là où il faut vraiment mettre l'accent, c'est sur les acouphènes invalidants, parce qu'il y en a. Des acouphènes invalidants, ça veut dire que vous avez, alors je vais prendre une image, une cocotte minute dans la tête à 90 dB, et ça, c'est jour et nuit, ça vous empêche de dormir, ça vous empêche de lire, ça vous rend fou, ça vous rend dépressif et ça peut mener jusqu'au suicide. Alors fort heureusement, c'est pas les 20% des gens qui ont des acouphènes, c'est probablement 1% de ces 20% qui ressentent des acouphènes vraiment, vraiment invalidants. Comment est-ce que, Paul Avant, on peut poser le diagnostic des acouphènes, justement, parce que c'est du déclaratif? Comment est-ce que vous, en tant que professionnel de santé, vous allez recevoir ces déclarations-là, et ça passe par quoi? Par des questionnaires? Par des listes de désagréments? Dès qu'il y a surdité, dès qu'il y a petite perte auditive, le degré de surdité importe peu finalement, il y a suspicion d'acouphène. Donc ça passe par le questionnaire. Le questionnaire pouvant être indirect, mais lorsque quelqu'un souffre d'acouphènes, en termes de souffrance, il a une description qui est souvent très cohérente, très répétitive. C'est pas du tout, bien que ce soit très subjectif et que la personne souffrant de cela a l'impression de ne pas être prise au sérieux, la manière dont elle rapporte ses symptômes est très cohérente. Et ça peut pas s'inventer, en fait. C'est quelque chose de très... Alors, souvent, on trouve ensuite des facteurs déclenchants qui confirment la suspicion. Jean-Luc Puel, sur cette question du diagnostic. Oui. Il y a des questionnaires pour évaluer la gravité, l'impact sur le confort de vie, etc. Mais aussi, on peut essayer de les caractériser d'un point de vue acoustique. C'est-à-dire, on peut faire une acouphénométrie. Et donc, ça consiste à faire entendre un son à un patient et lui demander s'il se rapproche ou pas de son acouphène. Et ça permet d'autre part au patient vraiment de pouvoir le revendiquer, son acouphène, parce qu'on peut l'enregistrer sur un CD, il peut le prendre chez lui et dire, tu vois, ce que j'entends, c'est une vraie réalité. Donc, on peut vraiment le caractériser physiquement. Et puisqu'on peut le caractériser physiquement, on va expliquer comment ça marche et pourquoi il y a des défauts au niveau de l'audition qui vont provoquer ces sons parasites. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Paul, avant, on peut peut-être, alors on va pas faire un cours entier et général sur comment fonctionne l'audition, mais on peut rappeler comment d'un signal sonore à sa traduction par le cerveau en son se passe la chose et à quel niveau ça va coincer pour les acouphènes. Oui, alors le système auditif est très complexe, donc il y a un pavillon et un système vibratoire qui collecte les vibrations, une oreille interne qui les transforme en signaux électriques, et puis tout un tas de circuits très complexes qui remontent l'information au cerveau. Et quel que soit le niveau atteint, on peut avoir des acouphènes en conséquence. Je crois que les cellules ciliées, les cellules dites ciliées, Jean-Luc Puel, ont un rôle assez important, notamment quand on parle d'acouphènes. Expliquez-nous où elles se situent et quel est leur rôle. Oui, les cellules ciliées, c'est les cellules sensorielles qui transforment la vibration sonore en un message électrique. Donc évidemment, si vous perdez des cellules ciliées, vous allez perdre de l'audition. Un facteur important dont on parle un peu moins, c'est les fibres du nerf auditif. Et les fibres du nerf auditif, c'est pas simplement un câble très simple, mais vous avez des composites. Voilà, c'est vraiment un système composite avec des fibres qui déjà ont une activité spontanée. C'est-à-dire que spontanément, elles envoient des messages au système nerveux. Et quand ce système se dérègle, soit parce que les fibres ont été abîmées par le son, etc., le nerf auditif peut envoyer des messages parasites au cerveau. Voilà. C'est un des mécanismes. L'autre mécanisme, c'est quand vous perdez des fibres du nerf auditif, le cerveau, lui, peut surréagir pour compenser ses entrées sensorielles. C'est-à-dire, Paul, avant, que le cerveau n'aime pas du tout le silence et que dans ce cas-là, il compense en fait un son qui a disparu ou la captation de ce son-là, de cette fréquence-là, par le son parasite qu'est l'acouphène. Oui, il y a deux éléments dans ce qui vient d'être dit qui sont importants parce que ça traduit la difficulté du problème. D'abord, le silence n'existe pas en termes d'activité du nerf auditif. Il y a toujours une activité. Donc le cerveau repère ce qu'il appelle silence comme une activité moyenne. S'il y en a moins ou plus, c'est plus du silence. Premier problème. Et deuxième problème, c'est l'interprétation qu'on en fait. L'interprétation qu'on en fait, du coup, c'est quoi? Alors cette interprétation, elle vient de l'interprétation, vous voulez dire, du silence en lui-même, ou alors juste l'interprétation qu'en fait le cerveau? L'interprétation qu'en fait le cerveau, c'est finalement un profil d'activité. Donc l'activité augmente, c'est qu'il y a un petit peu plus de bruit de fond. Donc s'il y a une activité qui diminue, c'est peut-être une anomalie qui va être marquée de la même façon. Donc on n'est pas maître de cette interprétation du cerveau auditif. Et puis il y a une deuxième complexité qui est que le cerveau auditif n'est pas tout seul dans le cerveau et qu'il y a tout l'environnement qui peut lui donner une interprétation. Jean-Luc Puel. Oui, il y a dans le cerveau ce qu'on appelle des sons aversifs. Il y a une expérience que moi je trouve super, mais où on a fait écouter des sons à des patients. Et les sons qu'il déteste, c'est la fameuse craie sur le tableau noir qui fait frissonner tout le monde. Et quand on analyse ces sons aversifs, c'est généralement des sons aigus. Des hautes fréquences. Et comme par hasard, une grosse majorité des acouphènes sont des sons haute fréquence. Et donc, quand on regarde chez les patients qui ont des acouphènes ou chez des patients à qui on joue des bruits désagréables, mais ce qu'on voit, c'est dans le cerveau une structure qui s'appelle l'amygdale, donc qui est le système limbique, le système des émotions, qui s'active. Et c'est terrible parce que non seulement il s'active et vous avez ce ressenti de douleur, hein, mais en plus il va amplifier la perception. Donc vous voyez, c'est un peu une boucle de rétroaction très très très négative. Paul, avant on parlait du rôle que jouait la cochlée notamment dans les acouphènes. Est-ce que le fait que ces acouphènes soient principalement des sons de haute fréquence signifie qu'au niveau de la cochlée, au niveau de la captation de ces hautes fréquences, il y a une fragilité physiologique particulière qui fait que certains cils seraient plus sensibles que d'autres à la destruction? Oui, absolument. Ça, c'est caractéristique. C'est un des éléments qui permet d'objectiver, en quelque sorte, le symptôme d'acouphène. Très souvent, l'acouphène correspond à la zone auditive qui a été abîmée et qu'on peut objectiver très facilement. Donc la plupart du temps, la zone codant pour les hautes fréquences est fragile, on le sait, et c'est elle qui va être abîmée, et on aura un acouphène aigu, extrêmement désagréable. Et il y a des cas très particuliers où c'est la zone basse fréquence qui est perturbée, dans certaines maladies, et à ce moment-là, on aura un bourdonnement basse fréquence qui va être, en fait, au fond, tout aussi désagréable par ses côtés irréalistes, en quelque sorte. Jean-Luc Puel, on en vient maintenant à la question des causes des acouphènes, parce qu'elles sont nombreuses. Alors, la liste pourrait être longue, on va quand même établir peut-être les principales. Peut-être la principale, c'est quand même le vieillissement. C'est un petit peu fatal, en fait, un jour ou l'autre, d'éprouver des acouphènes quand on passe un certain âge. Oui, je l'ai dit dans mon introduction, hein, les acouphènes, il y a des causes multiples, c'est pour ça que j'en profite quand même pour dire que quand on a des acouphènes, la première attitude, c'est d'aller voir son médecin généraliste qui va prendre toutes les constantes dont je parlais tout à l'heure dans l'hypertension. Ensuite, il faut qu'il aille voir son ORL parce que c'est le seul qui est capable vraiment de le caractériser, cet acouphène, de le mettre en relation avec l'audition, etc. Et puis, dans certains cas, il faudra voir un neurologue, puisque un acouphène, je le disais tout à l'heure, hein, c'est une perception. Et parfois, ces perceptions sont dues à plusieurs facteurs, hein, de la neurodégénérescence, etc. Voilà. Et dernier élément, l'acouphène crée de l'anxiété. Pas l'inverse, et c'est pas l'anxiété qui crée des acouphènes. On a fait des expériences chez l'animal qui sont très très très claires là-dessus. Si on induit des acouphènes chez l'animal et qu'on induit de l'anxiété chez ces animaux, il va percevoir aussi les acouphènes trois fois plus fort. Hein. Et donc aussi, le neurologue, il peut aider à traiter cette anxiété. Paul Avant, voilà, là on perçoit qu'il y a plusieurs dimensions dans l'évaluation des causes des acouphènes. Il y a une dimension questionnaire, on en parlait tout à l'heure, mais aussi une dimension par l'imagerie. Ça passe par l'imagerie, notamment cérébrale, parfois, pas tout le temps, mais c'est important. Alors que peut révéler une IRM, par exemple, concernant la cause d'acouphènes? Alors l'IRM va être prescrite parfois quand l'acouphène ne survient que d'un côté, parce que dans des cas très rares, il faut rassurer les auditeurs, il se peut que l'acouphène soit dû à une petite tumeur qui presse, qui appuie sur le nerf auditif. Pour ne pas échapper à ce diagnostic, quand la tumeur est petite, elle est très facile à enlever, elle n'est pas cancéreuse en général, on va faire une IRM. Mmh. Après, l'IRM a été appliquée pour regarder comment les circuits auditifs et non auditifs réagissent chez des gens qui savent moduler leurs acouphènes. Vous savez qu'on peut avoir des acouphènes dont l'intensité augmente ou diminue en fonction d'un certain nombre de postures ou de regards ou autres. Et à ce moment-là, on voit que des zones cérébrales qui ne sont pas auditives, d'ailleurs, devraient ne devrait pas s'activer et s'active. Mmh. Notamment les zones du système limbique dont parlait Jean-Luc Puel et qui sont très sensibles à l'état émotionnel du sujet. Mmh. Jean-Luc Puel, il y a aussi des causes biologiques. Ça peut être provoqué par des infections mal soignées, par exemple des otites, ce genre de choses. Ça peut provoquer des acouphènes ? Oui, absolument. Alors, les acouphènes, encore une fois, vous pouvez très bien avoir des acouphènes tout simplement parce que vous avez un bouchon d'oreille. Mmh. Donc, et ça, c'est bien de le rappeler. Il y a c'est des facile, choses c'est facile à traiter. Hein. Ben, ce qu'on disait tout à l'heure, vous bouchez l'oreille, le cerveau surréagit. Mm-hmm. Mais aussi, ce qu'a décrit Paul Avant sur toute la chaîne de transformation des sons, la chaîne des osselets, vous pouvez très bien avoir ce qu'on appelle un cholestéatome, etc., etc. Donc, il y a sur tout le relais de la voix auditive, vous pouvez avoir un problème sur le nerf auditif, mais aussi une neurodégénérescence au niveau du cerveau, une déhiscence, etc., etc. Alors, ces acouphènes, Paul Avant, on l'a dit quand même, principalement, c'est un symptôme d'une perte d'audition. Ça, c'est assez systématique quand même. J'évoquais ces infections-là. Alors, il y a des réflexions même qui sont conduites aujourd'hui autour des Covid long. Je crois que c'est un des symptômes qui ferait partie. Alors, peut-être ça, on peut en parler, parce que j'ai vu un témoignage sur Twitter d'une personne qui disait qu'elle était suivie justement pour des acouphènes liés à un Covid long. Ça, est-ce qu'on a des idées un petit peu plus précises, des liens qui pourraient être établis entre un Covid et des acouphènes ? Oui, absolument. On a constaté un certain nombre de surdités brusques dues à, en ambiance de Covid. Donc, clairement, le nerf auditif souffre lorsqu'il y a le nerf ou les deux nerfs, selon les cas, souffrent. Et toute souffrance entraîne effectivement la possibilité d'acouphènes. Et c'est le moment de rappeler peut-être que, effectivement, le vieillissement est particulièrement générateur d'acouphènes, mais on peut être jeune et avoir des acouphènes, et c'est pas apparaître comme un vieux personnage de se plaindre de ses acouphènes, c'est qu'il y a souffrance. Mmh. On peut avoir un acouphène à la suite d'un rhume ou d'une anesthésie banale. Donc, il ne faut pas hésiter. Comme le disait Jean-Luc Puel, il faut en parler à son médecin. Mais Jean-Luc Puel, il y a une honte encore à parler de ses problèmes d'oreille, de ses problèmes de surdité ou d'acouphène, tout simplement. Ah oui, vous souvenez de Jacques Chirac qui avait licencié sa ministre de la Santé parce qu'elle avait osé dire qu'il portait un sonotone. Oui. Donc imaginez-vous les acouphènes. En plus, les acouphènes, ça change un peu, hein, mais jusqu'à pas très longtemps, avait une connotation un peu psychiatrique, vous voyez. On disait, ouh, il a des acouphènes. Il entend des voix, quoi. C'était un oui, petit peu... Oui, il est pas bien, c'est un dépressif, il est mal dans sa peau, etc. Or, on conçoit très bien aujourd'hui qu'on puisse devenir dépressif parce qu'on a des acouphènes, mais c'est pas l'inverse. Mmh, voilà. Paul Avant, on entend aussi, alors là, si on continue dans ce tour d'horizon des multiples causes des acouphènes, on entend souvent dire « je suis sourd, cette famille ». Est-ce qu'il y a un caractère aussi héréditaire à ce genre de sensations que sont les acouphènes ? La fragilité auditive peut être familiale, elle peut être familiale pour des raisons de culture, mais aussi pour des raisons génétiques. Mmh. Donc, il y a des familles de musiciens qui font tous du rock'n'roll de père en fils. Ne soyons pas que sur la génétique, mais effectivement, il faut se poser la question. Après, les acouphènes peuvent être... les familles de militaires ont tous des acouphènes, et c'est un peu leur médaille. Il y a très peu de plaintes quand on a des acouphènes qu'on considère comme la marque de son métier, qu'on l'a pratiqué noblement. Il n'en reste pas moins que c'est dommage de ne pas le signaler. Jean-Luc Puel, oui, ça on l'a pas trop mentionné, mais c'est assez évident, l'exposition à un traumatisme sonore va provoquer assez facilement des acouphènes. Oui, je pense que vous devez le savoir mieux que quiconque, dans le milieu artistique, et notamment dans le milieu du rock, de la musique amplifiée, des DJ, y a des acouphènes. On a fait une étude il y a quelques années qui montrait que 75% des 10 jockeys, ils avaient 26 ans les gars, ils pratiquaient le métier depuis 6 ans, donc 20 ans, ils avaient 26 ans, 75% d'entre eux avaient des acouphènes, ils avaient 26 ans. Donc je vous laisse imaginer l'état de leurs oreilles quand ils auront 40 ans. Ils vont avoir très clairement un vieillissement précoce de l'audition. Et puis ces acouphènes, ils vont pas s'améliorer. Hein. Paul Avant, est-ce qu'on est tous égaux face à ces surexpositions à des bruits trop élevés? Est-ce que certaines personnes, d'une certaine façon, ont une résistance auditive meilleure à une surexposition au bruit? Ou bien est-ce qu'on est quand même globalement tous fichus à peu près pareil? Sujet délicat, parce que j'ai envie de répondre oui, on n'est pas tous pareils, bien sûr, mais oui. Quand même, face à un son fort, on est tous en danger. On peut avoir 15 expositions consécutives à des sons forts sans acouphènes, et la 16e va être catastrophique. Donc ne soyons pas prétentieux face à... Il n'en reste pas moins qu'il existe, rétrospectivement, des sujets qui s'exposent énormément, qui n'ont pas de symptômes. Après... Jean-Luc mentionnait 25% de disjockeys. Non, 75% reconnaissent avoir des acouphènes, donc 25% ne le reconnaissent pas. Mais sont-ils parmi les résistants ou parmi les hypocrites? Ça, c'est la grande question, Jean-Luc. C'est peut-être pas les hypocrites, hein, c'est que dans certains milieux et des milieux artistiques, il fait pas bon de déclarer son handicap auditif. Moi, je me souviens avoir voulu faire une étude, bon, chez des musiciens classiques, je cite, n'aurait pas l'orchestre, et les syndicats ont refusé parce que c'était reconnaître un handicap, une maladie et qu'ils n'avaient pas trop intérêt à le dire. Restez avec nous parce qu'on va poursuivre dans un instant cette émission autour des acouphènes, et on va parler bien sûr de la prise en charge des personnes qui en souffrent, mais aussi des pistes de recherche pour mieux les comprendre. Ce sera juste après ça. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, beneath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence, and in the naked light I saw soit un peu de vos oreilles aujourd'hui, puisque on parle d'acouphènes et on vient d'entendre à l'instant le classique de Simon & Garfunkel, The Sound of Silence, repris par Chromatics dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons donc tout au long de cette heure, comme je disais, des acouphènes, en compagnie de Jean-Luc Puel, professeur de neurosciences à l'Institut de neurosciences de Montpellier, directeur de l'équipe audition de l'INSERM. Nous sommes également en compagnie de Paul Avant, professeur émérite en biophysique de l'audition à la faculté de médecine de Clermont-Auvergne, responsable d'audiologie humaine à l'Institut de l'audition radio. On en arrive à présent au reportage du jour. Alors, comme on l'a vu en première partie, les causes des acouphènes sont multiples et pour les traiter, il faut adapter les thérapies en fonction des patients et de leur profil. Bonjour Céline Ozen. Bonjour Antoine. Vous avez voulu en savoir comment ça se passe une première consultation avec une médecin ORL qui est spécialisée dans la prise en charge de ce trouble. Oui, Christine Poncet est chef de service à l'hôpital Rothschild de la PHP et elle reçoit des patients acouphéniques qui sont très souvent en détresse. Alors, pour les soulager, elle procède par un diagnostic basé sur le dialogue et le récit. Elle les encourage vraiment à se livrer sur leur qualité de vie et après une investigation approfondie et globale, quand elle arrive à identifier la cause, elle les redirige ensuite vers une thérapie adaptée, thérapie comportementale, port de prothèses auditives ou bien même appel à l'hypnose pour jouer sur les mécanismes de l'attention. Mais dans tous les cas, la prévention reste essentielle pour réduire au maximum les risques d'apparition. Dans un premier temps, l'interrogatoire, quand on reçoit un sujet qui a des acouphènes ou même n'importe quel trouble médical, le plus important, c'est de lui faire raconter son histoire. L'histoire médicale est très importante parce qu'on a vraiment tout un tas de détails et qui est très important. Alors, c'est à nous après de bien savoir aiguiller la personne. Par exemple, si on a l'impression que c'est pulsatile, c'est de lui demander… De dire, est-ce que c'est vraiment son pouls? Est-ce que vous avez essayé soit de toucher votre poignet et voir si c'est en même temps que le pouls? Ou simplement de le mimer? Il y a des gens qui miment tout à fait très bien et vont faire un pshhh comme ça. Et ça, c'est important parce que ça correspond, je sais à peu près si c'est grave, si c'est aigu. Après, il y a des sujets qui vont dire, c'est permanent ou c'est intermittent. Qu'est-ce qui déclenche? Est-ce que c'est l'anxiété ou c'est une position du corps ou est-ce que c'est une prise de médicaments ou de café ou voilà, ou c'est après la sieste, vous voyez, c'est les gens très souvent quand ils arrivent à la consultation pour ça, ils savent tout à fait nous recréer le contexte. D'accord, donc en fait, ils essayent de décrire si c'est un sifflement, un bourdonnement, etc. Ensuite d'en déterminer un peu le rythme. Oui. Et de voir si ça découle d'un événement traumatique ou de… Ou… Voilà, c'est exactement ça, c'est qu'on leur fait dire, c'est apparu soit après une chute, j'étais hospitalisée, et puis, mais ça peut être même pour quelque chose complètement autre, hein. Ça peut être, ils ont eu une intervention chirurgicale, ou ils ont eu une extraction dentaire, ou voilà, ça peut être pour n'importe quoi. Et c'est important parce que pour moi, ça va aiguiller et savoir d'où vient le problème. Donc, ça veut dire que vos patients, vous leur faites un questionnaire, vous dialoguez avec eux et ensuite… Dialogue avec eux. Enfin, on a des questionnaires types qu'on peut distribuer en salle d'attente, mais je trouve que le plus important, c'est que la personne arrive vraiment à nous décrire ce qu'il souffre. Le mieux, c'est de vraiment nous donner toutes les petites choses qui sont apparus, par exemple s'ils ont une hypertension, s'ils ont des troubles autres, tout ça c'est hyper important. Et ça les gens ne comprennent pas, souvent moi je questionne, je leur dis mais vraiment vous avez eu d'autres soucis de santé? Et si ils disent non mais ça n'a rien à voir avec les oreilles, je ne vais pas lui en parler. Ça c'est terrible parce qu'en fait tout est lié dans le corps. Même si nous plus ça va, plus on est hyper spécialiste, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, la médecine se complexifie et donc on est tous hyper spécialistes maintenant. Pour nous, c'est essentiel qu'on arrive vraiment à avoir l'histoire de l'événement, même si c'est un événement récent, parce que n'importe quelle pathologie chronique peut tout à fait se déstabiliser et c'est à nous effectivement de dire là il y a quelque chose de pas très cohérent et on voit bien que si la personne, par exemple, a une poussée d'hypertension, qu'effectivement, il s'est passé quelque chose au moment de la poussée hypertensive qui a probablement entraîné une perturbation vasculaire. Et c'est ça qui a déclenché, je veux dire, une perte de cellules ciliées, c'est-à-dire une anomalie au niveau de l'oreille interne. Donc, ça, c'est à nous de remettre en perspective. Je peux vous raconter le cas d'un patient que je suis depuis… il m'a fait rire parce que je présentais son cas… une jeune interne à côté de moi, je lui dis ce patient, je le connais depuis un certain temps, une dizaine d'années. Et en fait, quand il est arrivé, je lui dis je racontais votre histoire, on se connaît depuis une dizaine d'années. Il m'a repris, il m'a dit non, madame, vous me suivez depuis 26 ans. Et je l'ai vu arriver, mais vraiment en grande détresse. Et il était vraiment très mal, il était dépressif. Mais parce qu'en fait, au départ, il n'avait pas de trouble, il n'y avait pas de surdité. Et puis petit à petit, est apparue une surdité. C'était un signe précurseur qui avait une pathologie d'oreille. Donc, il faut être vraiment à l'écoute. Et il y a 26 ans, on n'avait pas toutes les techniques qu'on a aujourd'hui. Et ce patient que j'ai suivi, qui est très fidèle et que j'ai vraiment soutenu au fil des ans, au bout d'un moment, on a vu qu'il fallait mettre un appareil auditif. Donc, il était content parce qu'il avait tendance à s'isoler parce qu'il entendait moins bien, qu'il entendait que ses acouphènes qui polluaient toutes les conversations. Le fait de remettre des appareils, ce qui n'a pas été simple, donc je l'ai fait accompagner par orthophoniste. Et franchement, ça lui a bien servi. Il a pu retrouver un poste qui l'intéressait. Et là, récemment, comme il y a eu une petite évolution, on a repris complètement le diagnostic de sa surdité, puisque les IRM étaient normales et tout ça. Maintenant, il y a une nouvelle technique d'IRM par rapport à une vingtaine d'années. Donc, je lui ai fait passer une nouvelle IRM, je lui ai refait faire des prises de sang et on a retrouvé un déficit qu'on ne cherchait pas il y a 20 ans, 10 ans, et que maintenant, on essaye de trouver. Donc, toute cette approche est intéressante parce que notre métier, c'est bien normal, évolue en permanence et il y a sans arrêt, autant d'un point de vue diagnostique que d'un point de vue thérapeutique, des approches qui évoluent, il y a une recherche et il se passe des choses. Et pour ce patient, c'est peut-être un déficit d'une vitamine auquel on ne pensait pas du tout au départ, auquel personne pensait il y a une vingtaine d'années. Et c'est peut-être ça qui entraîne tous les troubles qu'il présente. Voilà pour cet entretien avec Christine Poncet qui est ORL. Paul Avant, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Il y a deux choses. Il y a déjà l'importance, on le rappelle, du diagnostic approfondi. On fait vraiment un tour d'horizon de toutes les pathologies, exposition d'un patient à des troubles particuliers, des traumas particuliers sonores ou pas. Et puis cette prise en charge, parce que les acouphènes, on l'a dit, peuvent avoir un impact très lourd sur une vie, peuvent provoquer des dépressions, des états dépressifs, une sensation d'isolement également. Voilà, une réaction peut-être à ça, et puis après on parlera bien sûr de toutes les pistes de recherche actuelles. Ce qui transparaît dans cette interview, c'est le soin apporté par le médecin au diagnostic et à l'environnement de la personne acouphénique. Ça demande une approche très particulière. C'est ce qui justifie en fait l'organisation spécifique de réseaux de prise en charge d'acouphènes. Ça ne se fait pas en 10 minutes comme une consultation d'ORL ordinaire. Mmh. Et là, visiblement, chaque consultation, d'ailleurs notre collègue connaît très très bien le patient dont elle nous parle, ça demande des heures et des heures d'entretien et d'examen méticuleux. C'est très important. Jean-Luc Puel. Oui, moi je suis très sensible. Le docteur Poncet a vraiment résumé l'approche des acouphènes, qui est une approche holistique, globale. Mm-hmm. Vous avez entendu, il y a des acouphènes qui sont pulsatiles, qui peuvent être dus à un problème vasculaire, des problèmes, on l'a dit au début, d'extraction de dents qui peuvent déplacer la mâchoire, etc. Des problèmes d'exposition au bruit, de prise de certains médicaments, les problèmes de vieillissement, des problèmes... Voilà, je veux dire, c'est vraiment un problème global. Mmh. Il faut vraiment, vraiment être à l'écoute du patient. Et on entend bien ce docteur Poncet qui fait vraiment une enquête policière et qui prend vraiment le temps. Et je crois que le problème, c'est ça, c'est le temps. Et d'ailleurs, avec France Acouphène, qui est une association d'acouphéniques, on est en train de réfléchir à un panier de soins où on pourrait vraiment prendre en compte une vraie consultation acouphène. Paul Avant, c'est ça, ça passe par ces différentes approches, ces différentes spécialités pour créer une espèce de diagnostic type, de schéma de diagnostic type qui serait vraiment important à faire maintenant. Ça, c'est important. Je pense qu'également, Jean-Luc cite France Acouphène, nous sommes tous les deux membres de leur conseil avec grand plaisir. Ce sont des patients experts, donc ils ont vécu l'acouphène, ils le vivent. Ils ont une très très grande compétence des cadres dans lesquels ça se produit, y compris la vie quotidienne. Et je crois que c'est très important que les patients entrent en contact avec des personnes comme ça qui peuvent les guider, qui ne sont pas forcément médecins, je veux dire. Donc, c'est important. Puis il faut savoir que les acouphènes ne sont pas forcément une fatalité, qu'on peut en tout cas soulager cette sensation désagréable. Jean-Luc Puel, c'est important de ne pas faire juste un constat d'échec, mais d'expliquer qu'il y a des moyens quand même de soulager les personnes acouphéniques. Alors, par quoi ça passe d'un point de vue purement technique? Est-ce que, alors bon, déjà, on entendait parler de la prévention, ça c'est l'essentiel, c'est la base, on fait attention à ses oreilles. Mais après, en termes de, une fois que les acouphènes surviennent, ça commence par quoi? Alors, moi, le premier conseil que je donnerais à un acouphénique, c'est surtout ne pas rester dans le silence. Le problème des acouphènes, c'est que si vous vous focalisez sur votre acouphène, vous ne pouvez pas vous en détacher. Et toutes les thérapeutiques que vous allez, ou les prises en charge que vous allez mettre en œuvre, c'est pour essayer de l'oublier, de le mettre un peu à l'écart, de lui donner moins d'importance, qu'il soit là, mais que vous arriviez à le supporter. Donc, ne pas rester dans le silence, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est si vous avez un problème auditif, il vous faut vous appareiller. Alors, ça a plusieurs avantages, se faire appareiller. C'est d'une part, vous entendez mieux, vous aussi, d'un point de vue attention, vous focaliserez pas uniquement sur votre acouphène, puisque cet appareillage va plus ou moins le masquer. Et ça, je veux dire, c'est vraiment les premiers conseils avant de passer aux autres thérapies qui sont des thérapies un peu palliatives de comme la sophrologie ou les thérapies sonores où on va mettre dans en tout cas oui là c'est des moments où on ce qu'on appelle l'habituation, c'est on apprend aux gens à vivre avec et donc du coup à ne plus être en lutte perpétuelle avec ces sons parasites, mais à, d'une certaine façon les accepter d'une autre façon et à ne pas se focaliser trop dessus. Paul, avant, si on en revient à ces techniques d'appareillage, est-ce qu'elles évoluent beaucoup ou est-ce que c'est encore assez sommaire? Si oui, comment ça marche et pourquoi faire entendre mieux va permettre de passer au-dessus des acouphènes? Bon, l'appareillage a beaucoup évolué en termes de traitement des sons en fonction des besoins des individus. Donc ça, c'est vraiment un problème résolu. Et même avec une prise en charge beaucoup plus généreuse maintenant qu'il y a quelques années seulement. Donc ça, c'est un problème résolu. Après, je pense que l'un des mots-clés, c'est gestion, parce que en fait, si on regarde les études scientifiques, les personnes appareillées ont tout le temps des acouphènes. C'est pas ni plus ni moins. C'est si on veut dire l'appareillage efface les acouphènes, pas du tout. C'est illusoire. Mais ce que les gens disent, et c'est même parfois émouvant de les entendre parler, c'est dire mais maintenant je gère. C'est-à-dire que mon appareil me permet de comprendre mes petits-enfants, la télé, de réentendre des sons qui avaient disparu. Voilà. Et l'acouphène a en fait augmenté, certains me disent il a augmenté depuis que je suis appareillé, mais c'est tellement agréable de pouvoir le gérer que tout va mieux. Mmh. Et ça, c'est, je pense que c'est là la clé pour les personnes, c'est gérer leur acouphène et comprendre que ça n'est qu'un épisode que leur esprit peut maîtriser. Jean-Luc Puel, on parle avec les appareils, on parle de systèmes externes. Je crois qu'on parle aussi d'implants cochléaires, notamment. Comment fonctionnent ces implants-là? Quelle efficacité ils ont? Alors oui, l'implant cochléaire est quand même fait pour les gens qui ont des surdités totales. Mais chez des patients qui ont ce qu'on appelle une cophose, c'est-à-dire une surdité totale uniquement d'un côté avec un acouphène invalidant, on propose effectivement un implant cochléaire qui consiste à mettre des électrodes à l'intérieur de l'oreille interne et à stimuler électriquement les fibres du nerf auditif pour restituer une audition. Et quand on restitue une audition et qu'on réentraîne les fibres du nerf auditif, ben, on traite cet acouphène. Est-ce qu'il y a des traitements aujourd'hui qui existent, Paul Avant, des traitements pharmacologiques qui montrent une certaine forme d'efficacité, ou est-ce qu'on est encore loin du compte? Je dirais oui et non, on est loin du compte, mais il y a des traitements qui ont de l'efficacité. Il y a quand même deux catégories de situations. Je pense à l'acouphène débutant, suite à un traumatisme sonore par exemple. Là, clairement, il faut tenter un traitement et il y en a d'efficaces. Et il y en a de plus en plus pointus. En quoi ils consistent ces traitements, par exemple? Le traitement universel pour le traumatisme sonore, c'est les corticoïdes. C'est un peu massif, c'est un peu brutal, mais ça marche dans un certain nombre de cas. J'ose pas dire quel pourcentage, on va dire 60%, on va dire. Et quels sont les effets biologiques, neurobiologiques? C'est anti-inflammatoire, et souvent l'un des éléments d'une agression auditive, c'est l'inflammation. Maintenant, si c'est un acouphène installé depuis des années, comme on a vu l'exemple tout à l'heure de 26 ans d'acouphène, je pense qu'il faut pas rêver et que la solution n'est pas dans une molécule, mais plutôt dans une approche. Alors les approches, Jean-Luc Puel, j'ai lu en préparant cette émission qu'il existait des thérapies sonores qui étaient à l'étude. En quoi consistent-elles et comment est-ce qu'on peut induire une réorganisation du fonctionnement du cerveau autour de l'acouphène, autour de son habituation à nouveau? Oui, mais vous avez exactement dit le bon terme, c'est la plasticité cérébrale. C'est-à-dire que quand vous avez une perte auditive qui est à l'origine d'un acouphène, le cerveau s'est réorganisé, on l'a dit tout à l'heure, pour compenser cette perte auditive, et ça peut créer un acouphène. Et donc l'idée de la thérapie sonore, c'est d'aller remodeler le cerveau en utilisant des sons. Voilà. Alors, est-ce que c'est d'une grande efficacité pour certains? Oui. Pour d'autres, non. Mais c'est une manière, comme le disait Paul tout à l'heure, une manière de prendre en charge son acouphène et d'essayer de le dominer. Paul, avant, on entendait parler aussi dans le reportage d'une lacune, d'une carence en une certaine vitamine qui pouvait provoquer ce sentiment d'acouphène. Est-ce qu'il y a des carences moléculaires qui peuvent se faire jour, et ou alors, voilà, comment est-ce qu'on peut déterminer ça et compenser une absence qui va provoquer un acouphène? De nos jours, la médecine audiologique a identifié un certain nombre de molécules clés du système auditif. Donc là, si on les repère, on aura la capacité d'agir. Il ne faut pas perdre de vue que parmi les patients qui seront porteurs de cette carence ou de cette affection, il y en a qui, ils auront probablement tous des acouphènes, mais une grande partie n'en souffriront pas. On a toujours cette proportion de 90% qui sont relativement indifférents, 10% qui souffrent. Et en fait, peut-être, il faut pas se tromper de cible. Ceux qui souffrent d'acouphènes, comme certaines douleurs chroniques, c'est plus compliqué que la lésion initiale parce que un certain nombre de zones du cerveau ont pris le relais. Donc, comme disait Jean-Luc tout à l'heure, on va s'obséder, on va se concentrer. Et les choses vont prendre des proportions. On n'y peut rien, c'est pas du tout une culpabilité de quelqu'un qui est hypochondriaque, on va dire. Pas du tout. C'est automatique, c'est des réflexes de défense du cerveau. Et de rumination, et qui de sont rumination, propres, voilà. Donc, c'est peut-être ça qu'il faut cibler maintenant. On peut en continuer à en parler. Il y a des thérapies qui doivent être personnalisées. Bien sûr, parlons de ces thérapies-là. Sans compter qu'il y a quand même tout un tas de, on l'a dit tout à l'heure, un problème vasculaire. S'il est là, on le traite. Si on a une tumeur dans l'oreille moyenne, comme un cholestéatome, ça s'opère. Si on a un bouchon d'oreille, ça s'enlève. Une tumeur sur le nerf auditif aussi. Il y a quand même, ou une hypertension, ça se traite. Il y a quand même beaucoup de raisons d'avoir des acouphènes qui se traitent aussi. Faut pas rester sur l'idée qu'un acouphène, il y a rien à faire. Bien sûr. Au contraire. Et la médecine et la recherche avancent. Paul, avant, on parlait de thérapie un petit peu de pointe, de thérapie personnalisée. On parle de thérapie génique également. Alors, sur quel type de gène ça va se focaliser? Et puis, est-ce qu'on a identifié comme ça des éléments qui peuvent provoquer des acouphènes de façon un peu sûre? Il y a 140 gènes actuellement identifiés dans spécifiques du système auditif. On pense qu'il en reste encore une bonne centaine ou plus à découvrir. Donc là, le champ est libre. Non, je pense que... Et puis, il y a aussi beaucoup de surdités environnementales. Faut pas l'oublier. Le bruit chronique, le bruit aigu, certains médicaments. Donc, il faut être attentif à toutes ces agressions. Certains médicaments, on parle de médicaments autotoxiques, je crois. Donc, c'est quel type de médicaments, Jean-Luc Puel, qui peuvent provoquer des acouphènes? Alors malheureusement, il y a la chimiothérapie et on peut pas passer à côté. Il faut traiter la tumeur, quitte à a abîmé l'audition. Il y a certains antibiotiques de la classe des aminosides, il y a certains antipaludéens, etc., certains diurétiques. Donc il y a tout un tas de médicaments qui sont dits autotoxiques, qui abîment l'oreille, puisqu'elles abîment l'oreille, qui sont susceptibles de créer des acouphènes. Alors, ceci dit, les médecins qui prescrivent ces médicaments parce qu'ils n'ont pas le choix sont quand même très attentifs au fait à la surveillance des acouphènes et de la perte auditive. Paul Avant, est-ce qu'il y a aujourd'hui, concernant les acouphènes, des zones d'ombre majeures qui résistent encore aux travaux des chercheurs et à la recherche ? La principale zone d'ombre, c'est la zone d'ombre du cerveau limbique, du cerveau émotionnel. Donc ça, évidemment, c'est pour ça qu'on ne pourra jamais se dispenser d'entretiens très prolongés avec les personnes souffrant d'acouphènes. Donc ça, c'est clair. Après, les différentes circonstances où les millions de sujets exposés au bruit, on peut les prévenir que s'ils ont des acouphènes au début transitoires, ça n'est pas à prendre à la légère, c'est un signal d'alarme. Professionnellement, certains n'ont pas le choix. Ceux qui prennent des chimiothérapies, de plus en plus, il y a des thérapies locales qui pourraient protéger l'oreille sans empêcher la drogue d'agir sur la tumeur. Donc ça, c'est très prometteur. Jean-Luc Puel. Oui, je dirais la zone d'ombre majeure, c'est le diagnostic. On a dit tout à l'heure que ces acouphènes, ils pouvaient provenir de tout un tas de facteurs, et notamment sur toute la voie auditive. Donc, ce qu'on manque, c'est d'un outil, par exemple, qui nous dirait, voilà, vous avez perdu des fibres unaire-auditives, ou vous avez un emballement de ces fibres unaire-auditives, et auquel cas, on saurait vous proposer un médicament par voie transtympanique pour apaiser ces fibres du nerf auditif. Si on développe de l'imagerie, on pourrait aussi localiser à quel niveau du système nerveux cet acouphène est généré et donc le traiter en conséquence. Paul Avant, est-ce qu'on est à la veille d'un nouveau mal du siècle avec les acouphènes et surtout une exposition de plus en plus constante au bruit et à des sons compressés avec les écouteurs notamment, etc. Le mal du siècle, c'est la surdité due à l'exposition sonore. Ça, je crois que c'est très clair. L'OMS identifie 1,5 milliard de sujets comme étant à risque. Des jeunes, tous des jeunes en fait. Donc là, pourquoi il y a une semaine du son, pourquoi il y a une journée de l'audition, c'est pour répéter ce message, faites attention à vos oreilles. Sans compter que une personne sur deux de plus de 65 ans aura ou a des problèmes auditifs. Et si on continue aussi à vivre dans ces milieux très très très bruyants, ben c'est un phénomène qui ne va faire que s'accentuer. Alors vous l'aurez compris, prenez soin de vos oreilles et surtout, c'est pas tabou, donc allez en parler à votre médecin si jamais vous commencez à avoir les oreilles qui sifflent. Vous pouvez rattraper le coup, en tout cas limiter la casse. Merci beaucoup à tous les deux, Paul Avant, Jean-Luc Puel, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandra Delbo, Eve Etienne, Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Amel Boucherka, Nicolas Martin, Olivier Bétard à la réalisation, à la technique aujourd'hui, Florent Bujon. La Méthode Scientifique, c'est donc fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini.